guys do to get back, give back to the community? Nothing. Françoise qui ne laissait pas passer le plus léger de ce qu'elle éprouvait, si je souffrais, détournait la tête pour que je n'eusse pas le plaisir de voir ma souffrance plainte, même remarquée. Elle fit de même dès que je voulus lui parler de notre nouvelle maison. Du reste, ayant dû au bout de 2 jours aller chercher des vêtements oubliés dans celle que nous venions de quitter, tandis que j'avais encore, à la suite de l'emménagement, de la température et que, pareil à un boa qui vient d'avaler un bœuf, je me sentais péniblement bossué par un long bahut que ma vue avait à digérer Françoise, avec l'infidélité des femmes, revint en disant qu'elle avait cru étouffée sur notre ancien boulevard, que pour s'y rendre, elle s'était trouvée toute déroutée, que jamais elle n'avait vu des escaliers si mal commodes, qu'elle ne retournerait pas habiter là-bas pour un empire, et lui donna-t-on des millions, hypothèse gratuite, que tout, c'est-à-dire ce qui concernait la cuisine et les couloirs, était beaucoup mieux agencé dans notre nouvelle maison. Or, il était temps de dire que celle-ci, et nous étions venus y habiter parce que ma grand-mère ne se portant pas très bien, raison que nous nous étions gardés de lui donner, avait besoin d'un air plus pur. Était un appartement qui dépendait de l'hôtel de Guermantes. Woke up this morning, totally fucked up. Try to think, got to mess up. My head and limbs, oh fucking hurt. And what's this vomit going on my shirt? No way. À l'âge où les noms nous offrant l'image de l'inconnaissable que nous avons versé en eux, dans le même moment où ils désignent aussi pour nous un lieu réel, nous forcent par là à identifier l'un à l'autre, au point que nous partons chercher dans une cité une âme qu'elle ne peut contenir mais que nous n'avons plus le pouvoir d'expulser de son nom. Ce n'est pas seulement aux villes et aux fleuves qu'ils donnent une individualité, comme le font les peintures allégoriques. Ce n'est pas seulement l'univers physique qu'il diapre de différences, qu'il peuple de merveilleux, c'est aussi l'univers social. Alors chaque château, chaque hôtel ou palais fameux à sa dame, ou sa fée, comme les forêts leur génie et leur divinité les ont. Thank you. Lige Bailey venait d'atteindre son bureau quand il se rendit compte que Sammy l'observait et que manifestement il l'avait attendu. Les traits austères de son visage allongé se durcirent. « Qu'est-ce que tu veux » fit-il. « Le patron vous demande, Lige, tout de suite, dès votre arrivée. » « Entendu. » Sammy demeura planté à sa place. New York State, for me. J'ai dit entendu, répéta Bailey, full camp. Sammy pivota sur les talons et s'en fut vaqué à ses occupations. Et Bailey, fort irrité, se demanda une fois de plus pourquoi ces occupations-là ne pouvaient pas être confiées à un homme. Pendant un instant, il examina avec soin le contenu de sa blague à tabac et fit un petit calcul mental. À raison de 2 pipes par jour, il atteindrait tout juste la date de la prochaine distribution. Il sortit alors de derrière sa balustrade. Depuis 2 ans, il avait droit à un bureau d'angle entouré de balustrades et traversa dans toute sa longueur l'immense salle. Comme il passait devant Simpson, celui-ci interrompit un instant les observations auxquelles il se livrait sur une enregistreuse automatique au mercure et lui dit « Le patron te demande, Lige. » London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of time it was true. Run, Callie, at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? We'll be right back. ruban couvert d'inscriptions serrées en langage chiffré sortait sans arrêt des organes vitaux de l'enregistreuse. Ce petit appareil recherchait et analysait ses souvenirs afin de fournir le renseignement demandé, qui était obtenu grâce à d'infinies vibrations produites sur la brillante surface du Mercure. Moi, reprit Simpson, je flanquerais mon pied au derrière de Sammy si je n'avais pas peur de me casser une jambe. Tu sais, l'autre soir, j'ai rencontré Vince Barrett. Ah oui ? Il cherche à récupérer son job ou n'importe quelle autre place dans le service. Pauvre gosse, il est désespéré. Mais que voulais-tu que moi je lui dise ? Sammy l'a remplacé et fait exactement son boulot, un point, c'est tout. Et pendant ce temps-là, Vince fait marcher un tapis roulant dans une des fermes productrices de levure. Pourtant, c'était un gosse brillant, ce petit-là, et tout le monde l'aimait bien. Game. Dankeschön. Sophia Munsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Jorun. Elles avaient parlé des robots. Pour Jorun, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'elle n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non ? Frustrations behind. It's time to take a final step together to eternal life.